بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malheur à tout calomniateur à la langue acérée, qui amasse les richesses de ce monde, les comptant sans répit, pensant que sa fortune le rendra immortel. Mais non, il sera certes jeté dans le feu destructeur. Et qui te dira ce qu'est le feu destructeur? C'est le feu de Dieu, attisé, qui monte jusqu'au cœur. Il se refermera sur eux en colonnes de flammes étendues.